La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle semaine de la Compagnie des auteurs. Nous nous intéressons jusqu'à jeudi à la vie et à l'œuvre de l'écrivain Emmanuel Carrère, une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travaglichanal et Emmanuel Morse-Duncamp. L'écrivain Emmanuel Carrère l'est certainement, il est également romancier, si l'on se fie à son art très maîtrisé de la narration, scénariste même, puisqu'il a travaillé pour la télévision et le cinéma. Il donne d'ailleurs parfois l'impression de pratiquer l'art du montage dans ses livres. Il est enfin reporter, puisque depuis son roman L'Adversaire, tous ses ouvrages sont construits à partir de faits réels. Surtout, il est un témoin de la condition humaine, et c'est ce que nous allons tenter de montrer tout au long de cette série. Et nous le ferons demain avec Laurent Demanze qui reviendra sur l'intrication de la vie et de l'œuvre chez Emmanuel Carrère, qui pratique donc un genre à la frontière entre l'autofiction et le journalisme narratif. Mercredi, Nathalie Frolov nous parlera du rapport de l'écrivain à la Russie avec à l'appui ses livres Limonov et surtout un roman russe. Enfin jeudi, c'est de la place de la religion chez l'auteur du Royaume dont il sera question. Nous serons en compagnie d'Alain Romestin et de Frédéric Boyer. Et aujourd'hui, Волки уходят в небеса, горят холодные глаза. Aujourd'hui, pour parler de sa biographie et commencer à présenter son œuvre, nous serons en seconde partie avec le chercheur Christophe Reg, qui nous proposera d'abord un portrait de Carrère à travers les yeux des regrettés Pierre Paché et Paul Tchaïkovski-Laurence. Il nous parlera également du deuxième roman de Carrère intitulé Bravoure. Mais tout de suite, nous sommes avec Angie David, éditrice aux éditions Léo Cher, où elle publie également ses propres livres, les romans Marie-Lou sous la neige, Kim ou encore la biographie de Sylvia Bataille, qui fut l'épouse de Georges Bataille, mais aussi celle de Dominique Horry, l'auteur d'Histoire d'eau. Et c'est également chez Léo Cher qu'elle a publié un livre d'entretien avec Emmanuel Carrère en 2006 et qui va servir de fil rouge à notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des auteurs. Que j'ai écrit, en fait, les maintenant cinq livres que j'ai écrits sous cette forme inaugurée par l'adversaire, il y en a un seul qui est réellement un livre, disons, autobiographique, au sens d'un livre d'aveu, de confession, tout ça, c'est un livre qui s'appelle Un roman russe, où je suis non seulement le narrateur ou le témoin, comme je le suis dans les autres, mais j'en suis aussi le protagoniste. C'est vraiment ce qu'on appelle un livre autobiographique, et même un livre de déballage, une chose comme ça. J'en ai fait un seul, en réalité, mais il m'a suffisamment coûté à faire, il faut bien dire. Pourquoi ? Oh bah parce que c'était un livre terriblement difficile à faire. C'était un livre de qui était où il s'agissait à la fois de dire des choses très très pénibles sur moi-même et puis de dire très pénible, très difficile à dire, très difficile à formuler, que j'arrivais même pas à formuler. Un peu ce à quoi sert une analyse et qui se trouvait un peu transplantée sur le terrain de la littérature. Et puis il y avait aussi que je parlais pas seulement de moi, mais d'autres personnes qui ne tenaient pas nécessairement à ce que je le raconte. Un entretien avec Laure Adler en 2014. Bonjour Angie David. Bonjour. Alors quand vous avez fait ce livre d'entretien avec Emmanuel Carrère, il était justement en train d'écrire ce livre dont il parlait à l'instant, un roman russe. Il y avait donc beaucoup de détails de sa biographie qu'il a mis dans un roman russe et dont le public n'avait pas connaissance, et vous non plus, évidemment, Angie David. Est-ce que, après la lecture d'un roman russe, vous avez eu envie de lui poser des questions que vous n'aviez forcément pas pu lui poser avant cette lecture? Oui, c'est évident, puisque effectivement, on a fait l'entretien. Il était encore, enfin, il avait déjà écrit, mais son éditeur, donc Paulo Tchaïkovski Laurence, était en train de le lire. Donc, il voulait pas que je le lise avant, c'est normal. Ah, donc, c'est l'éditeur qui n'a pas voulu, ce n'est pas Emmanuel Carrère qui Emmanuel n'a pas Carrère, voulu. C'est Emmanuel Carrère, voilà, qui préférait, ce qui est normal, que Paul l'ait lu d'abord. Ah oui. Et donc, effectivement, on a fait quand même l'entretien, puisque on avait, enfin, j'ai eu la chance à l'époque de bien le connaître. Donc, on se voyait assez souvent par ailleurs, et donc, on avait des discussions. Comme souvent les éditeurs et les écrivains, même dans la vie privée, on parlait beaucoup de ça, beaucoup de sa création. Et donc j'étais quand même très au courant de ce qui était en train de se passer. Et effectivement, j'étais pas surprise et encore moins déçue par le résultat. Le livre est vraiment extraordinaire. Et dans ce livre, un roman russe, on découvre un homme qui se pose sans cesse une question. Et cette question, c'est au fond, comment vivre? Comment faire pour vivre? Mais surtout qu'à l'époque, il avait pas mal de difficultés à vivre. Je crois que ça s'est arrangé. Ouais. Depuis. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à vivre, notamment dans les phases d'écriture, qui étaient toujours très très douloureuses. Il mettait des années à faire les livres, mais vraiment des années, hein, 6-7 ans en moyenne à peu près. Enfin, à part au tout début, donc dans ses œuvres de fiction, mais qui sont des livres qu'il considère comme moins aboutis, justement parce qu'ils étaient trop complexes. Mais à partir de La classe de neige, puis de L'adversaire et du roman russe, on a un processus d'écriture qui est très long, une gestation qui est très longue. Emmanuel Carrère a du mal à se mettre à l'écriture, hein, c'est le cas de beaucoup d'écrivains, mais chez lui, ça prend quand même des formes d'angoisse, de dépression. Il met en péril sa vie privée, il ne s'en sort pas. Il dit lui-même qu'il est obligé de trouver des ruses, d'ailleurs, pour écrire, hein, de détourner finalement le processus d'écriture, de ne pas l'affronter directement, hein, mais de le prendre de biais pour finalement y revenir. Il contourne, il abandonne, il revient. Il le dit souvent d'ailleurs qu'il commence un livre, puis finalement en fait un autre, revient au précédent. Voilà, c'est un processus complexe. Ça veut dire que le moteur de l'écriture chez Emmanuel Carrère, c'est où ça a été, puisque vous nous dites que ça n'est plus tout à fait pareil, la difficulté à vivre. Oui, il y a quelque chose qui s'est libéré en même temps avec un roman russe. C'est pour ça que c'est un livre qui est très important, hein, dans sa bibliographie. Il y a un point de bascule. Puisqu'à partir du roman russe, au contraire, l'écriture va redevenir un peu plus facile. Hein. Il va réussir à écrire plus rapidement de nouveaux livres. Donc effectivement, je crois que ça accompagne le fait qu'il soit un petit peu moins désespéré. Mmh. Ça a toujours été un romancier autobiographique, et cela dès son premier roman intitulé « L'ami du Jaguar » qui paraît en 1984 chez Flammarion. C'est un livre où il vous dit, dans ce livre d'entretien, qu'il a voulu tout raconter à la fois. Et c'est bien symptomatique de cette période de la vie. Il avait environ 27 ans, où on a envie de tout mettre dans son premier travail, et quand on est écrivain, dans son premier livre. Angie David. Oui, ben moi je suis éditrice, hein, donc je connais bien le problème. La plupart, enfin pratiquement tous les auteurs, le premier roman, on veut tout y mettre. Hein, on veut faire 10 livres en un. C'est normal, hein, puisqu'on se dit que peut-être on n'en fera qu'un, on ne sait pas si on en fera d'autres. C'est difficile de savoir si on a une œuvre derrière soi. Donc généralement, ce sont des livres très compacts, très denses, où plusieurs livres sont regroupés, ce qui les rend généralement effectivement assez difficiles à lire. C'est rare qu'on ait des premiers romans extrêmement fluide. Donc chez Emmanuel Carrère, ce premier roman en a un peu tous les défauts classiques du premier roman. Il y a aussi en même temps toutes les promesses de l'auteur qui va devenir. On sent déjà l'Emmanuel Carrère d'aujourd'hui dans ce premier roman? Oh oui, justement avec ce que vous disiez, le fait qu'il va revenir finalement à la matière autobiographique, alors qu'après ce premier roman, il va essayer de s'en extraire pour faire de la fiction, de la vraie fiction, quoi. Quelque chose comme qui un passage serait obligé. Voilà, comme un passage obligé. On est censé écrire des histoires qu'on a inventées, avec des dispositifs complexes. Donc il va choisir des formes qui seront plutôt celles du puzzle ou du kaléidoscope, qu'il va essayer de rassembler. Et puis c'est vrai qu'avec La classe de neige, puis L'adversaire, il va trouver ce principe narratif qui lui permet au contraire de dérouler la pelote de laine. Mmh. Et c'est ça qu'il cherchait en réalité. On va revenir évidemment, et je pense durant toute cette semaine, sur ce passage de la fiction à l'écriture du réel. Pour revenir à L'ami du Jaguar, c'est un roman qu'il écrit en Indonésie parce qu'il a été coopérant durant un an et demi dans ce pays-là. C'est important? Ben disons que je pense que c'était important au départ et par la suite, parce qu'il y a chez Emmanuel Carrère quand même dès le départ le désir de s'extraire de son milieu. Mmh. Il vient d'un milieu bourgeois, de grande bourgeoisie parisienne, intellectuelle, donc avec sa mère secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Lui-même était à Sciences Po, mais à Sciences Po côté à droite, hein, c'est ce qu'il raconte très bien dans Limonov. C'est des pages très drôles d'ailleurs où il se moque de lui-même, finalement de celui qu'il était. Un bourgeois un peu coincé, pas très drôle, assez sinistre. Et en fait, l'expérience, je pense, en Indonésie va ouvrir chez lui la possibilité du voyage, de la vie sous les tropiques. Et il va commencer à devenir celui qu'il va peaufiner par la suite, une sorte de hippie. De hippie chic, de bobo, hein, lui-même, il aime bien dire « je suis un peu le roi des bobos ». Vous dites qu'il passe du 16e arrondissement au 10e, de la bourgeoisie à la boboïsie. Voilà, à la boboïtude, et il le revendique, hein, il est fier, il est content d'être devenu ce bobo, c'était quelque chose de tout à fait conscient chez lui. Et donc je pense qu'en Indonésie va être un petit peu le moyen pour lui de s'extraire de ce milieu dont il sent que d'abord ce n'est pas pour lui et que deuxièmement certainement ça va l'empêcher de devenir l'écrivain qu'il veut devenir. Le voyage en Indonésie, c'est peut-être aussi une façon, à 27 ans encore une fois, ou 26 ans, d'avoir une vie qui n'est pas la vie des autres. C'est un peu l'obsession ça d'Emmanuel Carrère, de ne pas avoir la vie des autres, d'avoir une vie extra-ordinaire. Oui, disons que peut-être qu'il se dit qu'il faut vivre des choses extraordinaires pour pouvoir ensuite les raconter. Je crois que chez tout écrivain, il y a, quand on vit, d'abord le souci de pouvoir l'écrire ensuite. Ça n'est jamais complètement séparé. Et c'est vrai qu'Emmanuel Carrère, dès ce premier roman, il a déjà l'ambition de devenir un grand écrivain. Il sait très bien que c'est ça. Et il y a quand même des obstacles qui sont liés effectivement à cette éducation, à cette culture, à des empêchements aussi personnels, comme on disait, une mélancolie, des angoisses. Et donc c'est un travail qui va être long chez lui, de maturité, de maturation, pour finalement se libérer de tout ça. Et donc on va voir, c'est ça qui est très intéressant aussi chez cet auteur, c'est que de livre en livre, on voit cette progression. Alors ce qu'il faut dire aussi, et on le sait quand on lit un roman russe, on parlera d'ailleurs assez longuement d'un roman russe durant cette semaine, c'est que évidemment les origines de Emmanuel Carrère sont alors non pas russes tout à fait, mais géorgiennes, la Géorgie qui faisait partie bien entendu de l'Empire russe. C'est même une famille historiquement d'assez grande noblesse, Angie David. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire familiale, mais contrariée, puisque donc sa mère, donc Hélène Carrère-Dankos, a fait toute sa carrière sur justement la Russie, la langue russe, mais sur un pan totalement officiel, ses relations avec Vladimir Poutine, on n'est pas du tout dans l'underground moscovite. Non, c'est pas Limonov alors. Non, c'est pas Limonov. La mère de Hélène Carrère. C'est très loin, c'est vraiment à l'opposé. Et par ailleurs, il y a une sorte de tabou dans la famille, puisque justement, ils viennent de ce qu'on appelait les Russes blancs. Mais il y a une honte, parce que d'abord, il y a effectivement une baisse de niveau social. Et en plus, le père d'Hélène Carrère-Dankos, donc, était devenu, après avoir été un Russe blanc, en France, devient chauffeur de taxi. On voit bien ce déclassement. Et un Russe blanc qui avait un double doctorat. Voilà, on connaît ces déclassements des populations immigrées, donc ils vivent avec cette honte. Et deuxièmement, il se trouve que cet homme a collaboré, et la collaboration lui a permis de redevenir finalement un petit peu celui qu'il était, puisqu'il est devenu traducteur pendant la collaboration. Donc c'est un homme qui, grâce à ça, c'est terrible à dire, mais va retrouver finalement un certain prestige culturel qui était le sien autrefois. Donc il y a une honte qui se greffe autour de cette histoire. Parce qu'il sentait que la France aussi ne le reconnaissait pas comme l'intellectuel qu'il était. Et c'est peut-être par vengeance, on ne le sait pas exactement, qu'il s'est mis à collaborer avec les Allemands. Exactement, et c'est ça qui est intéressant justement, c'est cette complexité. Donc Emmanuel Carrère va mettre beaucoup de temps finalement à se réapproprier cette histoire, puisque justement la transmission n'est pas évidente. Lui-même ne sait pas très bien comment se raccrocher à ça. Il dit qu'il parlait russe quand il était enfant, mais il va complètement l'oublier, jusqu'à oublier les berceuses que lui chantait sa mère. Et finalement, c'est là aussi par un biais détourné, toujours cette manière de contourner finalement les choses, de ne pas les prendre de face pour pouvoir mieux les embrasser. Il va donc faire ce documentaire qui s'appelle Retour à Kotelnitch, et de là, il va renouer avec sa culture russe. C'était très douloureux pour ma mère qu'on évoque la figure de son père, tout ça. Il y avait quelque chose de très... Et elle souhaitait vraiment que je le fasse pas. Elle me l'avait explicitement dit. Je l'ai fait, je l'ai donc fait contre la volonté de ma mère. Et donc, je faisais quelque chose que... Qu'en général, je pense qu'il faut pas faire, disons, aller... et qu'en même temps, j'ai fait et que je regrette pas d'avoir fait. В них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons d'Emmanuel Carrère avec vous, Angie David, et dans l'histoire familiale d'Emmanuel Carrère, il y a donc ce rapport avec sa mère qu'il a exposé dans un roman russe, parce que, comme il vient de le dire, sa mère lui avait demandé de ne pas parler de la famille et il a assumé de le faire. Et on a le sentiment que c'est vraiment quelque chose de très puissant qui est arrivé à ce moment-là dans sa vie à lui et puis dans son rapport avec sa mère. Oui, il a bravé l'interdit, hein, c'est toujours très important finalement dans un parcours littéraire. Justement, il y a cet interdit qui est lié en plus avec quelque chose de très signifiant puisque sa mère est justement une sorte de patronne dans le milieu littéraire. Donc il brave un double interdit, celui de la patronne, celui de la mère, c'est quand même très lourd. Et elle considère en plus que c'est son histoire à elle, c'est une chasse gardée. Et justement, elle s'est d'une certaine manière débrouillée pour que la transmission ne se fasse pas et puis pour qu'il ne puisse pas le récupérer. Et je pense qu'il y avait chez sa mère... la peur au fond d'elle-même qu'un jour il n'y arrive, parce qu'elle sait très bien quand même comment sont les écrivains, il était pratiquement impossible qu'il ne le fasse pas. Alors il parle aussi de sa mère enfant dans ce roman, c'est aussi une déclaration d'amour à sa mère. Il raconte que la petite Hélène, qu'on appelait Poussy, émerveillée par sa vivacité, et puis il explique qu'elle n'a pas parlé le français jusqu'à 4 ans, ce qui est aussi un déterminant tout de même important, alors que la famille vivait en France, en banlieue parisienne. Oui, il y a cette double culture, là encore contrariée. Et je pense qu'effectivement, il avait beaucoup d'admiration aussi pour cette femme, qui est par ailleurs une femme très puissante. Après, on peut être d'accord ou pas avec son style littéraire ou politique, mais c'est vrai que c'est une femme assez impressionnante, très forte, et qui a réussi à devenir celle qu'elle est en ayant justement cette histoire culturelle très complexe. Oui, parce que l'Académie française, c'est quand même là où on définit ce que c'est que la langue française, et pour quelqu'un qui n'a encore une fois pas parlé le français tellement avant l'âge de 4 ans, c'est assez extraordinaire. Ben oui, le parcours est tout à fait fascinant, et jusqu'à ce retour dans le livre d'Emmanuel Carrère, on voit finalement les chemins que peuvent prendre finalement la connaissance. Là, c'est assez emblématique. C'est un parcours qui aurait pu être plus fascinant encore, puisque à un moment donné, il a été évoqué l'idée que Hélène Carrère-Dancausse pourrait devenir ministre des Affaires étrangères, par exemple, ou en tout cas, pourrait faire de la politique. Oui, mais c'est pour justement un petit peu ses accointances avec le pouvoir russe, qui est une chose sur laquelle justement Emmanuel Carrère... la critique d'une certaine manière, puisque lui, il va prendre, comme on le disait avec Limonov, le contrepoint de ça. Il va s'intéresser, y compris avec son documentaire, donc Retour à Kotelnitch, au contraire, à la Russie des bas-fonds, à la Russie extra-populaire, et justement pas à celle dignitaire russe. Elle aurait pu également se présenter sur une liste RPR pour les élections européennes, mais c'est la peur... que l'on découvre l'histoire de son père et la collaboration de son père qui a fait, semble-t-il, qu'elle a renoncé à se présenter. Oui, elle avait peut-être bien senti qu'il vaut mieux rester dans la littérature plutôt qu'aller en politique si on veut entretenir la fiction, y compris sur sa propre histoire. Ouais. Le journalisme, à quel point c'est primordial chez Emmanuel Carrère qui commence par, après Sciences Po, être journaliste, Angie David? Alors je suppose que c'est quand même l'idée d'une pratique, c'est-à-dire que quand on devient écrivain, il faut d'abord apprendre à écrire, ça paraît bête de le dire, mais c'est pourtant une réalité. Et donc il n'y a pas de mauvais moyen finalement d'apprendre à écrire, et donc il va trouver ce biais, et certainement qu'il y a aussi déjà chez lui la passion du réel, effectivement, d'être au plus près de ce qu'il se fait, de là où les choses se passent. Et donc il va trouver ce biais pour commencer à écrire, mais il écrivait déjà en parallèle des nouvelles, hein, des textes de fiction. Donc il n'avait pas, je crois pas, le projet de dire « je serai journaliste et non pas écrivain ». Il voulait déjà être écrivain, mais il s'est dit « pourquoi pas utiliser ce biais pour d'un côté apprendre à écrire, pratiquer, et de l'autre être au plus près de l'actualité, de sujets intéressants ». Donc, il travaille pour Télérama, notamment. Il écrit beaucoup sur le cinéma. On va voir que le cinéma, c'est aussi un pan de l'œuvre d'Emmanuel Carrère, à la fois comme critique et puis aussi comme scénariste et cinéaste. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle de son rapport avec le fantastique, qui est quelque chose qui va vraisemblablement, dès ses 14-15 ans et à travers Lovecraft, puissamment l'influencer. Oui, c'est un lecteur de science-fiction et de fantastique, comme Houellebecq. C'est une génération, je crois. Il y a des liens, d'ailleurs, entre les deux écrivains. Oui, je pense. Oui, je pense qu'on pourrait faire pas mal de parallèles entre les deux. Ce serait intéressant. Politiquement, est-ce qu'on peut ? Non, pas politiquement, mais sur les parcours d'écrivains, la génération et des choix. Et on va dire que c'est, enfin, selon moi, c'est les deux écrivains français qui ont réussi à la fois à faire des livres intellectuellement, formellement intéressants et à toucher le grand public, ce qui est quand même très rare. Oui. On peut au moins les rapprocher là-dessus. Et d'ailleurs, Emmanuel Carrère a beaucoup aimé Soumission, il l'a dit dans la presse. Oui, il se voue, je pense, un respect, une admiration mutuelle. Ils sentent quand même une proximité entre eux. Et donc, c'est une génération, effectivement, qui s'est passionnée donc à l'adolescence pour cette littérature de science-fiction et fantastique, qui va donc imprégner, c'est vrai, les premiers livres d'Emmanuel Carrère, puisque finalement, quand on dit le passage de la fiction à la réalité à partir de L'Adversaire, c'est aussi le passage de la science-fiction à la réalité. Alors, on peut écouter justement ce qu'il disait en 1986 à Gérard-Julien Salvi au sujet de son livre La Moustache, inspiré précisément par la science-fiction. C'est vrai que c'est très courant que, je ne sais pas, des gens qui ont été barbus ou moustachus rasent leur barbe, ou je ne sais pas, ou que des gens changent de coiffure et que personne ne s'en aperçoive. Que ça soit sa femme, c'est peut-être un peu lourd, mais bon, ça me paraît à la limite concevable. Que ensuite, la question se pose constamment, enfin, qu'ensuite, il n'arrête pas de poser la question, de dire, bon, écoute, on arrête de rigoler, tu vois bien que j'avais, tu sais bien que j'avais une moustache, je l'ai rasée, et que la femme dise non, qui regarde des photos, qui regarde la même photo que lui dise, et bon, c'est son point de vue, on est forcé de marcher dans son point de vue dans le livre, que lui dise, regarde, j'ai une moustache, et que sa femme complètement consternée et de totalement bonne foi, de toute évidence, dise, ose même pas dire non en se disant, il est en train de devenir complètement fou, qu'est-ce que je peux faire pour le ménager, dire, oui, enfin, peut, non, c'est, enfin non, t'as pas de moustache, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça me paraît une situation, enfin, non seulement très improbable, mais pas, non, pas possible, honnêtement. Sauf malveillance de la part de sa femme. Sauf truc pour le rendre fou. Hypothèse qu'il envisage à un moment, quand il s'aperçoit que tout le monde, apparemment, est censé se donner le mot et que tout le monde autour de lui commence à dire, non, t'as jamais eu de moustache, enfin, quoi. Et qu'à bout d'un moment, du coup, il se laisse enfermer parce qu'il ose plus le demander. Il sent qu'il se ridiculise complètement à demander ça et qu'il se dit, bon, si je suis en train de devenir fou, autant qu'il n'y ait pas trop de gens qui le sachent. Donc, il ne va pas commencer à aller voir tous ses amis et connaissances en disant, dis donc, est-ce que j'avais une moustache ? Sachant que les gens lui répondent tous non. Ça me paraît, sauf plan pour le rendre fou, ce qui est une hypothèse examinée, mais qui ne tient pas debout, qui ne tient pas davantage debout que les autres, ça me paraît une situation impossible. Et je trouve que le côté... amusant et tordu de la chose, c'était de voir comment se déroule concrètement une situation impossible. Comment on peut vivre ? Comment on peut survivre au moment où il arrive quelque chose d'impossible ? Et à mon avis, on peut pas. Un livre étrange, La Moustache, Angie David. C'est un livre important, vous croyez ? Oui, je pense que c'est un livre quand même important parce que justement, c'est un livre qu'il a pu écrire assez rapidement. En trois semaines, comme Stendhal pour La Chartreuse de Parme. Voilà, on va comparer comme ça. Et en fait, il trouve l'idée. L'idée, elle est quand même assez géniale. C'est vraiment un pitch, quoi, une idée. Et il va pouvoir justement dérouler cette idée et écrire en 15 jours, 3 semaines le livre. Donc je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Après, peut-être qu'il lui manque encore un petit peu justement cette nécessité qu'on va retrouver dans les livres suivants. Mmh. C'est peut-être le seul reproche, entre guillemets, qu'on pourrait lui faire. Justement, le côté pitch, le côté livre bâti sur une idée, est-ce qu'on ne peut pas le lier à, parallèlement, le travail qu'il fait sur les scénarios ? où c'est bien d'avoir un pitch pour le présenter à un producteur. Est-ce qu'on n'est pas dans une phase un petit peu comme ça de son travail à ce moment-là ? Oui, sûrement. D'ailleurs, il l'a effectivement adapté et mis en scène. Ensuite au cinéma. Oui, il y a cette écriture cinématographique qui est importante dans le parcours d'Emmanuel Carrère. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure son œuvre, je crois quand même que son œuvre littéraire, il la considère comme plus importante. Et je suppose qu'il y a quand même toujours une dimension plus alimentaire, plus aussi de reconnaissance. Il faut voir que quand on est écrivain, ça y est, lui maintenant c'est devenu une star, mais pendant longtemps il ne l'a pas été. Et c'est vrai que le cinéma permet de tout de suite gagner une audience qu'on met du temps à obtenir avec les livres. Donc il y a la possibilité d'écrire des scénarios pour un auteur, c'est quand même ça aussi. Donc en 2005, il adapte son film La Moustache d'après son roman. Mais le cinéma, on l'a dit, c'est quelque chose qui revient de loin, puisque son premier livre, publié en 1982, avant même les romans, c'est un livre sur le cinéaste Werner Herzog. Oui, qui était une commande. Comme il était justement critique de cinéma positif et à Télérama, on lui avait passé cette commande. Donc ça lui permet de faire son premier livre. Mais je pense qu'il considère que son premier vrai livre, entre guillemets, ça reste quand même L'Ami du Jaguar, qui est le premier roman. Oui. Donc scénariste de plusieurs téléfilms, alors Le Blanc à lunettes, d'après le roman de Georges Simenon, et puis co-scénariste de La Classe de Neige, là encore, c'est une adaptation d'un livre qu'il a lui-même écrit. Oui, donc il va participer beaucoup à l'adaptation finalement de ses livres, L'Adversaire également. Ensuite, donc, il va être scénariste de pas mal de livres. Le seul qu'il va donc mettre en scène, c'est La Moustache. Il reproche à La Moustache le film, non pas le livre, d'être un peu trop lisse. Il va y avoir une sorte de frustration finalement. Ok, c'est quelque chose qui est propre, c'est du bon travail, c'est du bon artisanat, mais il lui manque de la folie, du génie. Ouais. Et finalement, c'est son documentaire qui donc va lui permettre de renouer avec la culture russe, Retour à Kotelnitch, qui va beaucoup plus le réconcilier avec la forme cinématographique. Oui. Est-ce qu'avec La Classe de Neige, on est également dans quelque chose qui relève de la science-fiction ou en tout cas d'une forme de surnaturel pour vous ? Je dirais peut-être plutôt le fantastique, dans sa définition classique, entre guillemets, où justement on hésite entre le réel et le fantastique en permanence. On ne sait pas où est-ce qu'on se situe exactement. Donc là, on ne sait pas si c'est un délire du petit garçon ou si c'est une réalité. Et généralement, c'est à la fin, justement, que le fantastique se résout. Oui. C'est le petit Nicolas qui, en Classe de Neige, est confronté à la peur de l'ogre, à la peur du monstre. Et ça se résout, mais ça ne se résout pas tout à fait, finalement, à la fin. Est-ce que on est dans la description de la peur de l'enfant ? Est-ce que cette peur est réelle ? C'est plutôt un livre et aussi un film sur l'angoisse. Oui, c'est vrai. Mais quand on sait qu'il avait commencé à travailler sur l'affaire Jean-Claude Roman avant d'écrire La Classe de Neige, on se doute quand même à la fin que le père est pour de bon monstrueux. Je trouve que ça fait pencher quand même la balance de ce côté-là. Alors sur l'affaire Jean-Claude Roman, justement, parlons-en un petit peu. Je vous propose d'écouter d'abord la lettre qu'il a écrite à Jean-Claude Roman, donc l'assassin de sa famille, pour lui proposer de faire ce livre sur lui. Monsieur, ma démarche risque de vous heurter, je cours ma chance tout de même. Je suis écrivain, auteur à ce jour de 7 livres dont je vous envoie le dernier paru. Depuis que j'ai appris par les journaux la tragédie dont vous avez été l'agent et le seul survivant, j'en suis hanté. Je voudrais autant qu'il est possible essayer de comprendre ce qui s'est passé et en faire un livre qui bien sûr ne pourrait paraître qu'après votre procès. Avant de m'y engager, il m'importe de savoir quel sentiment vous inspire un tel projet. Intérêt, hostilité, indifférence. Soyez sûr que dans le second cas, j'y renoncerai. Dans le premier, en revanche, j'espère que vous consentirez à répondre à mes lettres et peut-être, si cela est permis, à me recevoir. J'aimerais que vous compreniez que je ne viens pas à vous poussé par une curiosité malsaine ou par le goût du sensationnel. Ce que vous avez fait n'est pas à mes yeux le fait d'un criminel ordinaire, pas celui d'un fou non plus, mais celui d'un homme poussé à bout par des forces qu'il dépasse, et ce sont ces forces terribles que je voudrais montrer à l'œuvre. Quelle que soit votre réaction à cette lettre, je vous souhaite, monsieur, beaucoup de courage et vous prie de croire à ma très profonde compassion. La Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors dans un premier temps, Angie David, il ne va pas recevoir de réponse à ce courrier, Roman tout simplement l'ignore. Oui, certainement il n'est pas encore assez connu, entre guillemets, et finalement donc justement il commence à vouloir travailler sur l'affaire Roman. Il n'obtient pas de réponse. Finalement, il abandonne, peut-être un peu soulagé aussi, en se disant « bon, oulala, dans quoi j'allais m'embarquer ?» Bon, on va dire que c'est très bien comme ça. Il écrit La Classe de Neige rapidement. Et La Classe de Neige va avoir beaucoup de succès. Il obtient le prix Femina, effectivement, sera ensuite adapté au cinéma par Claude Miller. Et donc, je crois que c'est ça qui va déclencher Jean-Claude Roman. D'un seul coup, il se rend compte que c'est un auteur suffisamment important, suffisamment connu, suffisamment doué pour pouvoir traiter son affaire. Donc finalement, il va lui répondre, peut-être 2 ans après. Il lui dit « j'ai aimé La Classe de Neige ». Et il a aimé ce livre, il a vu certainement la capacité, le talent d'Emmanuel Carrère pour justement retracer cette ambiguïté, que ce ne serait pas quelque chose de manichéen. Donc ça va le rassurer d'une certaine manière. Et là, il va lui écrire en lui disant « j'accepte vos propositions ». Et du coup, Emmanuel Carrère va se sentir coincé, obligé de le faire. Et de là, les affres dans lesquelles il va sombrer, parce que finalement, d'une certaine manière, il était content de s'être débarrassé de ce projet, et ça lui revient, et il se sent obligé de le faire. Et là, ça va être très, très douloureux pour lui de s'y remettre. Pourquoi est-ce que c'est si douloureux ? Alors, c'est douloureux parce que d'abord, c'est une histoire quand même sordide. Donc, il trouve que c'est sinistre d'avoir envie de se coltiner ce genre d'affaires. Donc, il se demande... pourquoi, au fond, est-ce qu'il s'intéresse à des choses aussi terribles ? Il réfléchit déjà à cette question qu'il va reprendre donc ensuite dans un roman russe, de cette monstruosité qui est en lui, sur laquelle il s'interroge. Et il va se retrouver avec l'ensemble du dossier d'instruction chez lui. Donc il vit avec l'affaire Roman dans son appartement. Il correspond avec Jean-Claude Roman pendant de longs mois. Donc il faut quand même avoir envie d'être proche comme ça d'un criminel. Alors c'est vrai que il y avait avec La Moustache peut-être le même genre de mécanisme, parce que finalement, si on en croit ce qu'avait écrit Jean Baudrillard sur l'affaire Roman, il disait quelque chose du type « le monstre, c'était peut-être aussi les gens autour de lui qui n'ont pas vu pendant toutes ces années qu'il avait menti ». Donc ça rejoint un petit peu ce qu'il y a dans La Moustache, c'est-à-dire que le monstre, est-ce que c'est uniquement le fou, le criminel, ou est-ce que c'est pas tout l'entourage, finalement le monde entoure qui déraille. Donc, il y a beaucoup de liens avec ses livres précédents et ses livres suivants, et c'est vrai que ça va un petit peu regrouper toutes ses angoisses. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il va réussir donc à l'écrire quand il va trouver cette ruse, là encore, de mettre la première personne du singulier dans le récit. Oui, et ça change complètement sa manière, et la série, évidemment, qu'on vous propose jusqu'à jeudi, va beaucoup parler de ce tournant-là. Une dernière question, peut-être, Angie David, qu'est-ce que ça signifie pour vous que, au premier livre, où il parle réellement, objectivement, de quelqu'un d'autre que lui, d'une autre vie que la sienne, c'est-à-dire celle de Jean-Claude Roman, c'est là qu'il passe à la première personne du singulier. Oui, c'est tout le paradoxe et c'est ça qui est intéressant et ça arrive presque par hasard, puisque donc il tenait une sorte de mémo de cette affaire, de ce travail qu'il faisait sur l'affaire. Et donc un jour, il récupère un agenda de l'époque pour voir ce qu'il faisait à l'heure et au jour où Jean-Claude Roman massacrait sa famille. Ouais. Et c'est là où il voit que donc il était à une réunion de parents d'élèves pour son fils Gabriel. Et donc ce jeu va s'introduire, mais comme par accident, d'une certaine manière. Car son fils a le même âge que le fils assassiné de Jean-Claude Roman. Et de là, tous les parallèles qu'il pourra faire, et ça va dérouler le récit. Merci beaucoup, Angie David, pour ce retour bref sur la première partie de la vie d'Emmanuel Carrère. Le livre d'entretien que vous avez fait avec lui est disponible chez Léo Cher. Je signale également que récemment, vous avez dirigé l'ouvrage « Réprouvé, banni, infréquentable » paru également aux éditions Léo Cher. Dans quelques minutes, nous retrouverons Christophe Reig pour continuer à parler de l'auteur de Limonov. Mais tout de suite, c'est En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec aujourd'hui Anne-Sophie Rouvelot de la revue Page des libraires. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez réfléchi à une sélection, et on vous en remercie, en lien avec Emmanuel Carrère. Oui, tout à fait, parce que pour moi, j'aime Emmanuel Carrère pour 2 romans, particulièrement pour La Classe de Neige et L'Adversaire. Vous allez voir en quoi j'ai réussi à lier cette sélection d'aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, Emmanuel Carrère, ce que j'aime dans son écriture, c'est la manière dont il arrive à introduire le fantastique dans le réel, tout en parlant de nous, de ce que nous sommes, de la condition humaine. Et si j'aime son écriture, je dois dire que j'aime beaucoup son cinéma aussi. Ouais. Pour moi, La Moustache, je ne sais pas s'il en est satisfait, mais en tout cas, ça m'a carrément bouleversée, parce que justement, il a une idée un petit peu absurde, ça m'a fait penser à Buñuel, et il pousse ça tellement loin qu'en fait, ben, on brasse des thèmes comme la solitude, comme justement le rapport au couple, l'identité. Et voilà, avec la musique de Philip Glass, moi, ça m'a laissé un souvenir impérissable. Philip Glass, qui est un des musiciens, je crois, préférés d'Emmanuel Carrère, un des compositeurs préférés. Alors, vos deux premières sélections, vous en avez eu l'inspiration par L'Adversaire. Par L'Adversaire, tout à fait, parce que en fait, vous allez voir que ce sont deux ouvrages qui cherchent à comprendre un peu les circonstances troubles qui mènent à un crime, qui flirte avec une dimension criminelle, sans pour autant être ni des romans noirs, ni des ouvrages policiers. Alors le premier, c'est Juan Marsay. Tout à fait, qui s'appelle « Cette putain si distinguée », qui est paru chez Christian Bourgois. Et en fait, donc, dans le nouvel ouvrage de cet auteur espagnol, on fait la connaissance d'un écrivain chargé d'écrire un scénario, à partir d'un fait divers qui a eu lieu à Barcelone en 1949. Et le fait divers, c'est celui-ci. En fait, une prostituée a été assassinée dans la cabine d'un projectionniste. Ce dernier, Fermín, est le coupable, hein, il l'avoue juste après les faits. Oui. Avec la pellicule, il l'a étranglé. Oui, il l'étrangle avec un morceau de pellicule. Et ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est qu'il est incapable de dire pourquoi il a fait ça, sachant qu'en plus, c'était sa maîtresse. Et en fait, l'écrivain, donc, dans ce roman, qui ressemble étrangement à Juan Marsay, hein, va s'entretenir avec le meurtrier pour chercher à comprendre qui il est, qui était cette prostituée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plein travail d'écriture, notre narrateur évoque l'imprécise frontière entre fiction et témoignage. Il se sent pas du tout à l'aise. Il a l'impression que la vérité, les mots se dérobent, lui échappent, et que, il n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui est vrai et ce qui est fictionnel, entre guillemets. Et ce qui est très intéressant aussi, en plus de ce rapport-là à l'écriture, hein, parce que c'est évidemment un des thèmes de l'ouvrage, c'est qu'on a une peinture du Barcelone des années 40, de ces quartiers populaires, de la tension qui régnait alors, parce qu'on était en plein franquisme. Hein. Et d'ailleurs, ce que je voudrais dire aussi, qui est super, super bien en fait dans ce roman, c'est que ce titre, qui est très attirant, hein, cette putain si distinguée, ça désigne bien sûr la femme qui est victime de ce meurtre, mais c'est aussi la manière dont le narrateur désigne la mémoire collective et la mémoire de l'assassin. Deuxième sélection, toujours dans le sillage de L'Adversaire, c'est Peur de Dick Kurbjeveit, non, oui, très difficile à prononcer. Oui, tout à fait. Chez Delcourt. Chez Delcourt Littérature, et d'ailleurs, un micro-parenthèse pour cette jeune maison d'édition qui a des choix super audacieux et géniaux et qu'il faut suivre absolument. Pour en revenir au roman, donc c'est un roman allemand qui s'ouvre sur Randolph, qui est un père de famille berlinois, un architecte qui rend visite à son père. Il lui rend visite en prison. Son père a 78 ans et il a été inculpé pour le meurtre de son voisin qu'il a abattu, de ce voisin même du fils qui raconte l'histoire. Et à ce moment-là, en fait, Randolph, qui est le héros, raconte le long processus en fait qui a mené à ce crime. Et tout de suite, il nous dit qu'il n'est pas complètement innocent dans ce meurtre, hein, et qu'il ajoute qu'il aurait pu effectivement l'éviter, mais ne le voulait pas. Et on n'est pas du tout dans une confession classique qu'on peut trouver dans un roman noir, parce que Randolph, il va s'attarder sur son enfance, il va parler de ce père qui lui a toujours fait peur, parce qu'il a toujours été fasciné par les armes, jusqu'au point d'emmener ses enfants à des entraînements dans des stands de tir. Et en fait, il va aussi peu à peu s'éloigner de ce sujet criminel pour parler de son mariage qui prend l'eau, parce que le voisin, justement, sans tout vous raconter, ce qui l'a amené à être froidement abattu par le père du héros, c'est qu'il s'amusait à observer le couple à travers les fenêtres de leur maison, parce que pour lui, ils étaient coupables d'abuser leurs enfants. Donc vous voyez que ça va très très loin. Et la troisième sélection que vous nous proposez, Anne-Sophie, c'est pas en lien avec L'Adversaire, cette fois c'est en lien avec La Classe de Neige. Il s'agit du nouvel ouvrage d'Alexandre Seurat, paru au Rouergue, et ça s'appelle Un funambule. Un funambule, ouais, et ça m'a rappelé La Classe de Neige, parce que effectivement, on a l'impression dans ce roman d'être sur un point de bascule, c'est-à-dire d'avoir le sentiment que tout peut chavirer un moment, que ça soit dans une dépression, une solitude extrême, et il y a tout un questionnement constant sur l'identité. L'histoire, elle est simple, hein. On est en compagnie d'un jeune homme, il se remet très difficilement d'un chagrin d'amour, il s'est réfugié chez ses parents dans leur maison, qui est située en bord de mer, et comme un funambule, il semble constamment sur le point de perde la raison. Il est à la fois complètement obsédé par le regard des autres. Il y a une réunion de famille, il arrête pas de s'interroger sur la manière dont il est vu, dont on le regarde. Il ressent un immense vide autour de lui et en même temps, il a l'impression d'être complètement asphyxié par toutes les pensées qui l'étreignent et ses angoisses. Et je terminerai juste avec deux lignes que je trouve magnifiques pour vous montrer à quel point cet ouvrage est beau, parce que dans l'écriture, il y a une recherche dans les mots qui est exceptionnelle et une grande intensité. Donc je vais vous lire ces deux phrases. Il s'agit de, des courbatures aux bras et aux épaules, se raccrocher au bord du lit, à la moquette, à la table de chevet, dans l'espoir de retenir quelque chose de l'image délabrée de soi-même. C'est très fort quand même. Merci beaucoup pour ces trois conseils, Anne-Sophie Rouvelou, de la revue Page des libraires. Vous êtes également libraire à la librairie Chronique de Cachan. À très bientôt. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue. Et c'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, premier jour d'une série d'émissions dédiées à Emmanuel Carrère. Nous sommes à présent rejoints par Christophe Reg. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chercheur associé dans l'équipe Écriture de la modernité à la Sorbonne Nouvelle. Vous avez dirigé avec Alain Romestin et Alain Schnaffer un ouvrage collectif qui nous a beaucoup servi pour préparer cette émission et qui s'appelle Emmanuel Carrère, le point de vue de l'adversaire, publié en octobre 2016 aux éditions Presse Sorbonne Nouvelle. Et dans cet ouvrage, vous avez écrit un texte sur l'un des tout premiers romans d'Emmanuel Carrère qui s'appelle Bravoure, on va en parler, mais vous avez aussi réalisé de courts entretiens avec Pierre Paché et Paul Tchaïkovski-Laurence. Tous deux sont malheureusement nous ont quittés. Évidemment, malheureusement, il y a quelques mois, Pierre Paché a été l'ami d'Emmanuel Carrère et Paul Tchaïkovski-Laurence a été son éditeur. Alors, j'aimerais que vous nous fassiez un petit peu la suite du portrait qu'on a commencé avec Angie David dans la première partie de l'émission, à travers ce que vous disiez Paché et Tchaïkovski-Laurence. Pour Pierre Paché, il était beaucoup question de l'amitié d'Emmanuel. Oui, alors l'amitié d'Emmanuel Carrère, c'est vrai que Pierre Paché était venu lors de la journée d'études qu'on avait consacrée à Emmanuel Carrère avec lui et naturellement avec POL. Alors il était flanqué des deux et c'était, je crois, à la fois ses amis et quelque part il servait un petit peu d'interface avec le monde extérieur, entre Carrère et le monde extérieur. Alors Paché, pour Pierre Paché, il y avait bien sûr en commun une certaine culture russe qu'il partageait, c'était évident, et aussi des affinités, un grand respect. Il insistait sur le fait de le laisser travailler avec sérénité, et ce qu'il avait marqué, frappé, c'était aussi le caractère de Carrère un petit peu extrême, c'est-à-dire qu'il était capable de passer, nous avait-il dit, d'une intense solitude, oui, à une affabilité extraordinaire. Alors il vous parle aussi du corps, du visage d'Emmanuel Carrère tendu vers l'avant. C'est peut-être l'occasion de faire un petit portrait justement. Oui, parfois le portrait physique veut dire quelque chose de l'homme. Il était fasciné. Je crois que Pierre Paché était vraiment vraiment fasciné. Alors c'était presque une plaisanterie entre les deux. Il nous l'a répété à plusieurs fasciné reprises. Par quoi alors, par le regard, la manière de tendre le visage en avant comme ça. Oui, cette écoute, cette empathie propre à Carrère, et à la fois une forme de maladresse dans sa démarche avec les gens. Un côté balbutiant aussi, on l'entend parfois dans les archives. Il vous a dit que Emmanuel Carrère aimait danser. Il a raconté aussi des fêtes qu'Emmanuel Carrère organise chez lui. Ça nous apprend aussi des choses sur l'écrivain ou sur l'homme. Oui, on l'évoquait tout à l'heure. Hein, je crois qu'il y a il a traversé des périodes de doute. Hein, l'écriture lui a été très difficile. C'est une écriture qui doit accoucher hein, de toute façon de quelque chose, d'une vérité, et souvent maintenant d'une vérité sur lui-même. Et puis il y a aussi un Carrère très sociable. Hein. Mmh. Alors évidemment, vous en tant qu'universitaire, ce qui vous intéresse, c'est d'analyser un petit peu les livres d'Emmanuel Carrère, et peut-être en particulier, on a déjà commencé d'en parler un petit peu, mais sur cette dialectique entre la réalité et la fiction. On a vu avec Angie David qu'il y avait un moment d'abandon de la fiction, au moment de l'invention d'un nouveau style d'écriture, au moment de l'Adversaire. Quand on dit abandon, on a le sentiment d'une perte. Est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'Emmanuel Carrère, en même temps qu'il trouvait sa voix et qu'il trouvait le succès, perdait aussi quelque chose, c'est-à-dire la capacité de s'imaginer un univers totalement fictionnel? Je crois que la fiction, pour lui, a été intéressante. Enfin, elle l'est encore dans la mesure où il réussissait à projeter de l'imaginaire dessus, et à la fois elle représente, ou elle a représenté longtemps, un écran hein, qui permettait une forme de protection vis-à-vis du monde. Mais évidemment ce qui l'a intéressé de débrouiller... Donc c'est une libération, alors, oui, y a quelque... de laisser la fiction de côté. Oui, c'est crever l'écran, hein, quelque part, un petit peu comme dans ce film de Woody Allen, mais là, le personnage ne rentre pas dans l'écran, là, il en sort, il traverse, il va de l'autre côté du miroir. Parce qu'en fond, le vrai sujet des livres d'Emmanuel Carrère, de tous les livres d'Emmanuel Carrère, c'est Emmanuel Carrère. Et peut-être que de l'assumer, de passer au jeu, c'est finalement libérateur. Je dirais que c'est l'identité, hein, les désordres de l'identité, avec un certain nombre de phobies, hein, je crois, la peur de n'être personne, la peur de ne pas advenir comme écrivain. Ça, c'est assez récurrent. Et puis également cette bataille avec soi-même, puisque l'adversaire, c'est bien sûr ce peut-être Jean-Claude Roman, mais c'est aussi soi-même. Mm-hmm. On est l'adversaire de soi-même, puisqu'on est, on peut être tenté hein, par, disons, des forces thanatiques ou... En tout cas, Satan, c'est l'adversaire. Hein. Satan, c'est le tentateur. Cela revient assez régulièrement. Est-ce qu'on peut parler néanmoins de réalisme dans la tradition réaliste, du roman réaliste, quand on parle de la seconde manière d'Emmanuel Carrère? Alors, pas vraiment. Je crois qu'il flirte avec ce qu'on appelle la non-fiction, c'est-à-dire que le réel n'est pas quelque chose à construire, où il n'y a pas de faire semblant ou de mentir vrai. Il s'appuie sur des histoires plutôt, enfin sur des faits réels, mais il garde un certain nombre de ressorts romanesques pour les traiter. Et donc c'est la mise en roman de la réalité, mais on est quand même davantage, en tout cas du point de vue de la technique, du côté vraiment de la fiction. C'est la réalité mise en fiction. Oui, c'est tout à fait. C'est-à-dire que la réalité apprend quelque chose de plus que la fiction, qui pourrait être fallacieuse, mais elle comprend aussi, on le sait, il en est conscient, un certain nombre une dose de fiction. Say I'm not a ghost, a bone. don't, there's a scream where my heart should be. La compagnie des auteurs sur France Culture. On va terminer cette émission avec vous, Christophe Reg, en parlant d'un roman en particulier de Emmanuel Carrère. C'est son deuxième roman. Dans cette première émission, on essaye de parler des romans qui sont pas forcément les plus célèbres. On les abordera par la suite. Et c'est un roman qui s'appelle Bravoure. Vous avez publié un texte sur ce livre. C'est un roman qui a été publié chez POL en 1984. On peut le retrouver aujourd'hui et depuis 2008 dans la collection Folio chez Gallimard. Et peut-être que la première chose à dire, c'est que c'est un roman inspiré de Georges Perec, ou en tous les cas, qui a de Georges Perec, qui trouve en Georges Perec une ascendance. Je n'avais pas vu cela, mais probablement davantage. En tout cas, il était passionné par Georges Perec à cette époque-là. C'est d'ailleurs façon, pour ça qu'il est allé solliciter POL. Chez POL, oui, là, c'est sûr. Pour Perec, ce serait plutôt le cas pour d'autres vies que la mienne, ou un roman russe, où la démarche autobiographique est très oblique, comme chez Perec. Forcément avec W, le souvenir d'enfance. Là, pour le second roman, Bravoure, je crois que ce qui l'a intéressé, c'est essentiellement de fabriquer une sorte de transfiction, comme on dit maintenant, élaborée à partir du roman de Mary Shelley, oui. Frankenstein. Alors il faut raconter le point de départ, qui est en effet l'écriture de Frankenstein par Mary Shelley. Absolument, et c'est un... Alors le roman, de quand on le relit, ce roman qu'on connaît, qui flotte dans les imaginaires collectifs, cette base est beaucoup plus complexe, hein, il y a plusieurs points de vue, etc. Et ce que fait Carrère dans Bravoure, c'est bien sûr de coudre un texte avec qui reprend ses phobies, les phobies qu'on a évoquées d'ailleurs tout à l'heure, puisque c'est un roman des doubles. Au départ, le point de départ de Frankenstein de l'écriture de Frankenstein est un concours littéraire. Voilà, il faut rappeler que on est à l'été 1814. Absolument. Et des écrivains, donc Mary Shelley, mais aussi son mari, Lord Byron, et puis un certain Polidori. Polidori, ils sont là et se lancent comme défi. Quoi de raconter, de mettre en récit une de ces légendes gothiques qui sont en vogue dans ces années-là. Et le point de vue adopté est celui de Polidori, mais Polidori est l'exemple, qui est le médecin de Byron, et Polidori a déjà le sentiment qu'il ne va être qu'une sorte de doublure de Byron, une sorte de dialectique comme ça du maître et de l'esclave. Et c'est vrai que c'est pas celui qui est resté tellement dans l'histoire. Voilà, absolument. Il publie un vampire, hein, d'ailleurs, le vampire avec un Y. Et là-dessus, Carrère greffe ce qui va, un certain nombre de thématiques qui vont revenir lors des ouvrages successifs, à savoir la perte d'identité. Alors, c'est là aussi en écho, hein, avec le texte de Shelley. Mais alors qu'est-ce qu'il veut faire exactement avec ce livre ? Il y a une forme de d'exorcisme de cette écriture. Alors il y a déjà, c'est déjà un petit morceau de bravoure, hein. Je crois qu'on peut le dire. Il a envie d'écrire, et il a envie de décrire son théâtre mental, hein, sa vie intérieure, et de manière très très oblique, hein, par ricochet, de montrer qu'il sait mener une histoire fort complexe, hein. Il y a un certain nombre de niveau de narration, plusieurs auteurs. C'est un peu ce qu'on disait aussi en première partie avec Angie David, c'est qu'il y a une première partie de l'œuvre d'Emmanuel Carrère qui est relativement complexe, et après on va vers la simplification, donc ça c'en est un bon exemple, comme s'il avait peut-être à se prouver ou à prouver aux autres qu'il pouvait, d'ailleurs en se mettant dans la tradition littéraire de Frankenstein par exemple, qu'il pouvait prendre à son compte Un roman très complexe. C'est une entrée dans le champ littéraire, hein, qui est plus ou moins racontée, hein, dans le livre, dans l'ouvrage lui-même. Merci beaucoup Christophe Reck d'être venu nous parler donc brièvement de ce deuxième roman d'Emmanuel Carrère et puis aussi poursuivre un peu le portrait de lui entamé en première partie par Angie David. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paris 3 et que vous avez co-dirigé l'ouvrage Emmanuel Carrère, Le point de vue de l'adversaire, paru en 2016 aux éditions Presse Sorbonne Nouvelle. Demain, nous continuerons d'explorer le travail de l'écrivain. Il sera plus précisément question de son rapport à l'autobiographie et ce sera avec le chercheur en littérature, Laurent Demanze. Mais tout de suite, on retrouve la poésie comme chaque jour. C'est avec Jacques Bonnafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Allez, on continue dans l'ardeur. Non, encore, écoutez, arrêtez, Bonnafé. Venez, venez, on va boire un verre. Non, merci, monsieur le commissaire, je n'ai rien à déclarer. Seulement ceci, il faut être toujours ivre, tout est là. C'est l'unique question. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise ? Mais enivrez-vous. Je n'ai jamais mangé d'huîtres, d'escargots, de cheval, de cygne, de serpent, de caille, ni d'œil de poisson. C'est tiré de l'anthologie de l'ardeur Autoportrait de Peter Bakowski. Été sous héroïne, ni dans un jeu télévisé, essayé cocaïne, payolte, ecstasy, en fait, ni bu ma propre urine. Je n'ai jamais été coincé dans une camisole de force, ni dans une pièce en un acte. Je n'ai jamais démonté une bombe, une voiture ou un mariage, joué à la roulette russe ou une souris verte au tuba. Je n'ai jamais été entièrement à l'aise, sur le plan sexuel, pour essayer de prier, pour tuer une araignée ou me faire rembourser un article. Moi, j'aime écrire des poèmes, faire claquer mon fouet de monsieur loyal pour faire grimper les mots tout en haut du trapèze volant, leur faire tenter un triple saut périlleux à travers l'espace blanc et rejoindre leur flamboyant partenaire suspendu. Je travaille sans filet, tout seul, paré d'une grande corbeille à papier. Le cœur à 3 heures du matin, c'est le nom du recueil. Avons reçu courrier de Chino. Oui, cette semaine est placée sous le sceau de l'indiscipline, non, dites de l'irrévérence, c'est plus poétique. Nous allons suivre le cogneur Prigent, alias Chino, dans Chino en mai. Bientôt mai 68, 2018, 50, ça va commémorer. Chino en mai, peu de souvenirs, rien d'héroïque, guerre de faits d'armes, surpris comme tous, embarqué par le flot sans plus. C'est lui qui nous aidera à circuler dans le souvenir de ces années, dans l'héritage des années 68. Prigent, le cogneur, reprise de Tombeau de Marcel Cerdan, dont nous avions dit quelques vers. Coco, Cozanet, Riton, Corac, Tonton, Mathieu, Slim, Prigent, Loca-boxeur. Bon, ok, on les applaudit en capuchon, Datchoum, prof ou simplet ou dom canon, iket nunc à la maison, mais au cloison du Sporting, on a punaisé du champion, pur punch, peignoir fluo, flash mondovision, Sugar Robinson et Cerdan, hop là comme 1959. Plainte. Vas-y Marcel, fais l'oiseau dans le ciel. C'est bon les cuicuis après les pif paf pan et boum sur pif neuil arcade et belle hypercute d'en dessous pour achever ma taf. Depuis que t'as mouru, y'a de l'io sous le pont qu'a passé, mais merci Kodak Cinéma, le poil nous a pas sorti du naseau, du tweed de veste ou chameau de menton. Ah malheur, mourons, ah désolation, que la mèche au vent t'ait pris l'aravion, car un point moyen qui fait trou dans l'eau, plouf, ça pèse en bruit gros dans les journaux. Retenons cette citation de Prigent, en France on aime beaucoup la poésie qu'on ne lit pas. Comme on n'en lit presque pas, l'amour est immense. Merci à vous Jacques Bonnafé pour cette nouvelle semaine sur la thématique de l'ardeur. Vous nous lisiez donc des poèmes de Peter Bakowski et de Christian Prigent.